الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ce qui suit est une tentative de traduction d'un passage de la conférence intitulée تحذير النبلاء من طرائق أهل البدع والأهواء، conférence donnée par le Cheikh Abdullah ibn Abd al-Rahim al-Bukhari dans la mosquée d'Un-Nurayn de Médine, le 10 du mois de Jumada, al-Thaniya, de l'an 1433 de l'Égir. Durant cette conférence, le Cheikh a dit « L'occasion se présente afin d'attirer l'attention sur une erreur dans laquelle tombent certaines personnes, à savoir l'enseignement de certains ouvrages condensés, mutun, et livres de dogmes en une nuit, comme ils disent, ou en une ou deux assises. Cela existe, n'est-ce pas? Al-Wasitiyya en une assise, Al-Hamawiyya en deux assises. Si l'enseignant te fait cette faveur, Kitab al-Tawhid en une ou deux assises. Or tout cela n'a rien à voir avec le savoir et l'enseignement. Ce n'est pas là la manière de faire des ulama et cela ne correspond pas à la méthodologie des gens de savoir dans l'enseignement. Cette manière de procéder prouve d'ailleurs que ceux qui agissent ainsi n'ont pas acquis le savoir à sa base et conformément à ses fondamentaux. Man lam yadhuq ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول زمانه. Celui qui n'aura pas un instant goûté au rabaissement de l'apprentissage boira du verre de l'ignorance jusqu'à la fin de son existence. Les ulama enseignent ces ouvrages condensés en deux, trois ou peut-être dix assises, en fonction du texte en question et selon ce qu'il nécessite. Il est obligatoire à l'enseignant de craindre Allah dans ce qu'il dit et de garder à l'esprit qu'Allah observe et sait parfaitement ce qu'il prononce. De même qu'il lui est interdit de dire à propos d'Allah ce qu'il ne sait pas. Deuxièmement, qu'il craigne pieusement Allah au niveau de ce qu'il enseigne. Troisièmement, qu'il respecte le livre qu'il enseigne et qu'il ne le débite pas comme il débiterait des vers de poésie. Quatrièmement, il lui est obligatoire de respecter les étudiants qui prennent part à ses assises et qui ont consacré leur temps à l'acquisition du savoir. Qu'il ne s'aventure donc pas dans des choses qu'il ne connaît pas. De plus, cette manière d'agir est un appel et une voie qui mène à la sous-estimation des livres de savoir. Réellement, cela revient à prendre à la légère les livres de savoir. Le savant n'a pas composé ce livret pour lequel il a pris de son temps et fourni ses efforts afin d'y réunir le meilleur de ses connaissances pour qu'ensuite un individu vienne se moquer de ce savoir d'une manière par laquelle il pense enseigner. C'est une forme de moquerie. Qui ne vise pas le savoir en lui-même, mais qui revient à prendre à la légère la manière de présenter ce savoir légué par cet imam. Penserais-tu que l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab composa Kitab al-Tawhid, ce livre qui compte parmi les plus éminents des ouvrages consacrés au sujet du monothéisme relatif à la divinisation, pour que tu le prennes à la légère en disant « lis, lis, lis, lis, lis, lis » et qu'après cela tu dises « nous avons étudié ». De même concernant cet autre personnage qui propose en une semaine « Nukhbat al-Fikr »,« Kitab al-Tawhid »,« Al-Wasitiyya », etc. et je ne sais quoi d'autre. C'est là une manière de jouer, qu'Allah te bénisse, et non de l'enseignement. Cela n'est pas de l'enseignement et ne correspond pas aux manières auxquelles les ulama ont recours ni à leur méthodologie, en aucun cas. Il y a une différence entre l'enseignement, al-tadris, et la simple lecture, al-ard, consistant à exposer le contenu d'un livre. Il y a une différence entre l'enseignement, suite auquel tu dis que tu as étudié, et la simple lecture consistant à exposer le contenu du livre, sachant que ce type de lecture obéit à des fondamentaux qui la régissent, selon les spécialistes du hadith. As-tu compris? Qu'Allah te bénisse. C'est ainsi donc que se termine cette tentative de traduction. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.